Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas lu des extraits de cette collection. C'est la collection Osez 20 histoires, publiée évidemment à la Musardine, puisque c'est la Musardine qui a même créé cette collection et son principe. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est tout simple. Régulièrement sur le blog de la Musardine, donc c'est Osez vos histoires de sexe, tous les liens seront sur l'article qui présente la lecture, c'est promis. Donc sur le blog, il y a un appel à texte qui est fait. Qui veut envoie son texte et ensuite les éditions La Musardine sélectionnent les 20 meilleures nouvelles selon eux et en font un recueil collectif. Voilà, ça c'est le principe des Osez 20 histoires avec à chaque fois une thématique, ce qui fait qu'on se retrouve avec une vingtaine d'auteurs différentes qui traitent une même thématique. C'est ce qui fait la richesse de cette collection, je trouve. Du coup, cette semaine, je vais vous lire des petits extraits de trois des nouvelles qui composent le recueil « Osez 20 histoires de sexe à l'hôtel ». Eh ben oui, l'hôtel, hein. L'hôtel qui est quand même un grand terreau d'imaginaire lié à la sexualité. Il y a les hôtels très classe, il y a les hôtels sordides, il y a les hôtels de passe, il y a le côté anonyme. Alors, comment les auteurs et les autrices se sont emparés de cette thématique de l'hôtel, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence par une nouvelle de Vespertille. Alors, je ne peux pas vous en dire plus sur l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs, je ne sais pas trop, puisque je n'ai rien trouvé, pas de réseaux sociaux, pas de site, rien. Donc, tout ce que je peux vous livrer, c'est un premier extrait de sa nouvelle, qui s'appelle donc « Aussi invisible que la poussière ». Premier extrait donc de cette nouvelle, extrait du livre « Osez 20 histoires de sexe à l'hôtel ». L'autrice, l'auteur, j'en sais rien, c'est Vespertille. Et le titre de la nouvelle, c'est « Aussi invisible que la poussière ». Aujourd'hui, c'est Jimmy qui vous accompagnera pour faire les chambres. Il travaille ici depuis longtemps et saura vous former. Souvenez-vous, le nettoyage doit être exécuté comme par magie, sans que jamais les clients ne vous aperçoivent. Tous les matins à 5 heures, vous viendrez chercher votre planning. Rappelez-vous bien la devise, soyez aussi invisible que la poussière. Le boniment servi aux nouvelles recrues, le beau Jimmy le connaît par cœur. Cela fait 10 ans qu'il officie en tant que premier valet de chambre dans cet hôtel 5 étoiles à Cannes. 10 ans qu'il se lève à 5 heures pour commencer le service à 6 et astiquer les chambres avant l'arrivée des nouveaux clients. Non, ce qui l'intéresse, ce n'est certes pas le discours de Monsieur Couset, le gros régisseur, mais bien Rose, l'extra embauchée pour l'été, une étudiante pulpeuse à souhait qu'il devra former à son job aujourd'hui même. Elle a les cheveux longs, bruns, le teint clair et frais, des yeux bleus espiègles qui illuminent une adorable frimousse. Avec cela, une paire de fesses somptueuses, des seins énormes, le tout beaucoup trop serré par l'uniforme de l'hôtel, que par négligence, on a dû lui donner trop petit. Un bouton est d'ailleurs sur le point de craquer. Rose semble s'en être aperçue. Les joues empourprées, elle jette de temps à autre un regard anxieux sur sa volumineuse poitrine. Sa gaucherie contraste avec un corps outrancièrement féminin. En tout cas, cette fille aura bien du mal à se faire aussi invisible que la poussière. On l'a choisi exprès pour lui ou quoi? Et les voilà tous les deux en train de faire les chambres. Les conseils de Jimmy à sa nouvelle collègue sont autant de stratégies pour mieux la reluquer. Penche-toi bien pour ramasser les draps. Oui, c'est ça. Cambre-toi mieux, sinon dans 2 semaines tu auras mal au dos. Essaye de te mettre à 4 pattes pour voir. Rose s'exécute docilement, avec un petit sourire entendu, pas dupe. À la dérobée, elle note que le beau blond est tout à fait à son goût, avec son torse large, son regard clair, trouble, ses lèvres sensuelles. Le désir qui monte en elle lui coupe le souffle, rend ses gestes plus flous. Elle sent ses tétons durcir, pointés sous la chemise trop serrée. Un feu embrase son bas-ventre. Et tant mieux si on s'est trompé en lui attribuant un uniforme trop petit. Elle est ravie de jouer l'allumeuse avec son formateur. Les chambres les plus luxueuses s'enchaînent, et chaque fois, c'est une nouvelle occasion pour Jimmy d'imaginer sa nouvelle collègue tantôt nue, tantôt vêtue de dessous affriolants, dans les positions les plus indécentes parmi les draps de satin. Dans la suite 199, il la voudrait à califourchon sur les coussins dorés. Il la rêve, les jambes lascivement écartées sur le drap rose, dans la chambre 201, avec l'air espiègle qui ne la quitte pas, ses mains s'accrochant au drap, les tordant. La suite 203 est de loin la plus luxueuse, décorée à la mode napoléonienne, au ton vert pastel et argent. Le lit est immense, somptueux. Rose n'a jamais vu ça. Au mur, une peinture représente une nymphe charnue caressée par Apollon sous le regard amusé de Vénus. Mais le plus étonnant est l'immense baignoire sabot qui trône au milieu de la pièce. Attention, pour cette suite, on a affaire à la très haute société, prévient le valet de chambre. Les clients sont un vice-consul et sa femme en vacances privées à Cannes. Il faut les soigner. Cela dit, on a le temps, ils jouent au tennis tous les matins. Rose se penche pour nettoyer l'immense baignoire et la matinée prend un nouveau tournant. C'est le mouvement de trop. Les boutons de sa chemise rendent les armes, craquent tous en même temps. Un soutien-gorge rose à dentelle jaillit. Il est terriblement transparent et échancré. Les tétons sont tout à fait visibles à travers le tissu. Le feu aux joues, Rose ne trouve qu'à rire nerveusement. Elle essaie de couvrir ses gros seins, mais sans les boutons, la petite chemise devient absolument inutile. Jimmy, lui, sent monter une violente érection. Tout est oublié. Les 30 minutes maximum par chambre, les clients à soigner, le discours du régisseur. Sans réfléchir, il ôte la malheureuse chemise qui tombe sur le parquet. Dégrafé, le soutien-gorge si peu couvrant la rejoint vite. Jimmy lèche les tétons si durs, ne sait plus où donner de la tête tant les seins énormes l'excitent. Ainsi dévêtue, Rose s'enhardit et déboutonne le pantalon d'uniforme de son collègue, laissant sortir une bite incroyablement dure. Jimmy bande comme un fou. Et ça ne s'arrange pas quand il passe la main dans la jupe réglementaire de l'hôtel et découvre un tanga fort peu sage. C'en est trop. Jimmy entraîne Rose, la bascule à plat ventre sur le lit. Dans le mouvement, la petite jupe remonte jusqu'à la taille et oui, le tanga de la coquine est en dentelle rose. Jimmy l'écarte et, sans plus de préliminaires, il prend en levrette la toute nouvelle femme de chambre qui se fait sauter sur le lit qu'elle devait faire. Tout en la baisant, il joue avec le tanga, le déplace, amplifie son va-et-vient. Rose se redresse, se met à quatre pattes, cambre son cul sous les assauts de son collègue. Tous deux gémissent, l'orgasme n'est pas loin. Ils sentent des soubresauts de plaisir les envahir, les emmener. Quand soudain, « Ne vous dérangez surtout pas pour moi ?» D'un bond, Jimmy se retire, laissant Rose en très mauvaise posture sur le lit, le cul à l'air, la chatte dégoulinante de mouille. Lui-même a son pantalon d'uniforme au genou et la bite luisante à la main. Alors, qui vient de débarquer dans la chambre et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, un petit peu de suspense, vous le découvrirez en lisant la nouvelle aussi invisible que la poussière de Vespertille dans le recueil de 20 nouvelles « Osez 20 histoires de sexe à l'hôtel ». Et puis, sans plus tarder, une autre autrice, ça je crois que c'est une fille, et du coup, une autre manière de traiter le sujet. Alors, là, l'autrice, c'est Eugénie d'Aragon, pardon, autant pour moi. Surya Namaskar, c'est le nom de la nouvelle. Je ne sais pas si dans l'extrait vous comprendrez pourquoi. En gros, ça veut dire la salutation au soleil dans le yoga. Mais pourquoi ? Mystère. Donc, alors pareil, Eugénie d'Aragon, j'ai cherché, voir si elle avait un blog, des réseaux sociaux, tout ça. Elle est introuvable. La seule chose que j'ai d'elle, c'est ses mots dans sa nouvelle Surya Namaskar. Alors voilà son traitement d'histoire de sexe à l'hôtel. Alors, je vous résume juste le tout début de la nouvelle, qui d'ailleurs commence par une petite citation. « Est-ce que le sexe est sale ? Seulement s'il est bien fait. » C'est de Woody Allen, c'est joli. Donc, en gros, On est à Madras, en Inde. Il y a des vols retardés par la mousson. Et il y a une jeune femme qui, donc, son vol est retardé. Et elle rencontre un mec. Son vol est aussi retardé. Et puis, bah, du coup, ils commencent à papoter. Ils sont tous les deux français, en Inde. Youpia. Voilà. Donc, ils commencent à papoter. Et ils vont ensemble pour aller boire un café. Voilà, c'est le tout début. Et c'est écrit à la première personne, donc du point de vue de la fille, la narratrice. Et là, c'est la description de ce compatriote français qu'elle vient de rencontrer à l'aéroport parce que lui aussi a son vol retardé. Allez, c'est parti. Deuxième extrait. C'est donc la nouvelle qui s'appelle Surya Namaskar de Eugénie d'Aragon. De près, ça devait avoir dans les 30 ans à peine, nettement plus jeune que moi qui frise les 40. Aurait-il seulement pris la peine de me regarder dans les détails, en France, au point de se rendre compte que je pouvais lui plaire? Un je ne sais quoi de bon goût de gauche, quelque chose de parisien, mais en plus sympa. Il s'évitait même le tatouage pénible dans ce qui dépassait des vêtements. Le camailleux de brun des cheveux, de la barbe taillée court, du hâle, des yeux. Le blanc du lin de la chemise qui répondait à l'ivoire de son sourire plein de fossettes. Le bleu ciel du pantalon roulé sur les mollets de granit pour faire Bermuda. L'annulaire gauche nu. Il avait tout en forme de petits 4 heures que je me disais, comme un jour de régime quand on passe devant chez la durée. Le genre calibré pour te faire baver et t'en faire baver. Livré avec Kleenex pour tous les fluides corporels qu'il provoquera. Le truc qui crie. Si t'y vas, t'es conne. Si t'y vas pas, t'es encore plus conne. J'espérais juste ne pas trop avoir l'air d'une cougar en manque, parce qu'assez vite, ça n'a plus été de la conversation d'aéroport entre deux portiques de sécurité. C'était presque trop facile, dans la complicité et l'intimité artificiellement démultipliées par l'exotisme de la situation. C'est ainsi que j'ai appris que le mec s'appelait Émilien, que sa mère était anglaise, qu'il était venu suivre un stage de yoga dans un ashram pour l'enseigner près de Dijon. Il passait beaucoup la main dans sa tignasse pour se donner une contenance, mais dégageait une force calme, un peu nonchalante, avec son rire aérien, sa voix douce. Il parlait bas, surtout de lui. Et puis, la folie ambiante en France, de l'état d'urgence qui la fuit. Difficile à catégoriser, pas désopilant mais distrayant. Je me suis dit que ça devait être le genre à demander un plateau végétarien dans l'avion et l'a imaginé saluer le soleil. J'ai demandé. Vous croyez qu'on se serait parlé si on était simplement coincé dans une gare un jour de grève, en France? Il a évité de répondre frontalement, a regardé ailleurs en étirant son bon mètre 85. C'est un peu ça qu'on cherche quand on voyage seul et loin. Se sortir de sa petite zone de confort, sortir de ses habitudes. Alors que le crépuscule et la pluie tombaient de l'autre côté des baies vitrées de l'aéroport. 4 heures plus tard, j'avais l'impression d'en savoir plus que nécessaire sur l'Ayurveda, les tisanes détoxifiantes et jusqu'à sa connasse d'ex barrée en prenant même Bacchus le chat. On en était donc là, au chapitre « Chagrin d'amour », quand on a appris que le vol était définitivement remis au lendemain. Comme une galère arrive rarement seule, un congrès de dentistes avait pris d'assaut tous les hôtels corrects et nous avait laissé le moyenne gamme indien. Pas le choix. Un petit autocar était passé nous prendre pour nous déposer à l'hôtel Peninsula. Nous avons couru ensemble sous des litres de flotte. Il m'a tendu la main pour m'aider à sauter par-dessus une énorme flaque, la garder dans la sienne, une fois à l'abri dans l'hôtel. Sommes arrivés dégoulinant, main dans la main, devant le réceptionniste qui m'a parlé en tamoul, parce qu'il me prenait aussi pour une indienne habillée à l'occidentale et flanquée d'un blanc, autant dire presque une pute. Nous voyant main dans la main, le réceptionniste nous a logiquement attribué une seule chambre. Toujours en nous tenant du bout des doigts, nous avons suivi le groom qui portait nos valises dans un uniforme en synthétique marron taché, avons contourné l'enfant handicapé qui se traînait par terre à même le carrelage imitation marbre, traverser les odeurs de bombes anti-insectes et d'épices, et sommes arrivés dans une chambre au premier étage, sur rue bruyante. On y distinguait parfaitement les hellements de chauffeurs de rickshaw et du petit vendeur de thé, les klaxons qu'ils utilisent a priori sans aucun discernement. Son regard effleurait régulièrement mes tétons noirs, collés à mon débardeur jaune mouillé. De vraies tétines café, perchées sur des petits nichons qui tiennent en l'air sans soutien-gorge. Il y avait deux lits jumeaux qu'il était encore temps de laisser séparer dans un sursaut de camaraderie. J'ai soupiré, passant soudainement au « tu ». « Bon, tu crois qu'on va réussir à dormir ?» Il a répondu avec l'air du mec qui se la joue bourlingueur. « Bon, il est très bien cet hôtel. Et puis, on n'est pas forcément obligé de dormir. Enfin, sauf si tu es très fatigué. Mais t'es en vacances. Tu vas pas me faire croire que t'es fatigué. » Tout en tripotant l'absurde dizaine d'interrupteurs répartis dans la pièce pour trouver celui du ventilateur au plafond, j'ai répliqué. « Toi, t'as l'air en forme, hein ?» Émilien a éteint l'affreux néon, allumé la veilleuse du mur qui faisait face au lit, une ampoule au filament rougeâtre, et debout, les mains dans les poches, l'épaule appuyée au mur et le visage plongé dans la soudaine quasi-obscurité, m'a dit « Tu viens ? On va se prendre une douche ?» Pour de vrai, j'ai été estomaquée par la proposition. Pourtant, je me suis levée du lit en parodiant presque la milf moyenne. On a commencé la douche dehors de toute façon. J'ai éclairé la salle de bain peinte en vieux rose écaillé par endroits. Me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fenêtre à la fenêtre et que mes jambes avaient du mal à me porter. Me suis donc assise sur le contreplaqué d'un tabouret, cuisses ouvertes pour qu'il s'y tienne debout. En contre-plongée, l'ai contemplé déboutonné puis ôter sa chemise. Ai ouvert le pantalon pour me rendre compte qu'il ne portait rien dessous et eut un rire surpris. Ai aidé le tissu bleu à glisser le long de ses jambes bien dessinées, surmonté d'un torse sec à la pilosité maîtrisée. Ai noté l'absence de marque de maillot sans rien dire. De mes deux mains patientes, ai exploré le plein des deltoïdes et des dorsaux, le creux des clavicules, alors que sa carotide battait la chamade, et puis les autres pleins, et puis les autres déliés. N'ai pas touché le sexe à moitié enflé, au prépuce entier, pour le faire attendre, en remerciant Dame Nature de sa générosité. Ses mains légères et assurées ont glissé sous le jersey tiède de mon débardeur, contre mes flancs, tranquillement. Ma jupe blanche tomba au sol sans bruit, suivie du synthétique rose de ma culotte. Il m'a entraînée sous la douche, et là, paye ta loose dans une salle de bain sans une seule goutte d'eau. Le rire a pris un instant le dessus sur ce que nous avions entamé. Je suis restée debout dans l'encadrure de la porte, entre la pénombre de la chambre et la lumière rose de la salle de bain, pendant qu'il appelait la réception dans son anglais de BBC. « Bon, eh ben, on n'aura pas d'eau jusqu'à nouvel ordre. » Information qui m'a plongée dans une excitation et une gêne extrême. J'ai baissé les yeux vers l'étroite ombre brune de mon entrejambe, en pensant à cette interminable journée dans cette chaleur moite de mousson. Cette panne d'eau était peut-être la meilleure mauvaise nouvelle de la journée. Le mec s'est assis au bord du lit et m'a entraîné vers lui pour que je m'assoie sur sa cuisse droite. Tout devint aussi léger que son rire. Les baisers du bout des lèvres aux commissures, les mains qui en crèvent d'envie, mais qui n'y vont toujours pas. Je serais incapable de dire si je suis restée assise contre lui quelques secondes ou de longues minutes. Continence des gémissements dans ma gorge. Seule ma respiration trahit peut-être l'attaque atomique en cours dans mon sexe. L'émotion érotique plus grande que moi, la bonne grosse vrille au cerveau. À en suffoquer. Complètement défoncé à la dopamine, pour l'évidente beauté de phalange hésitante sur fond de chambre 27. Le mec a dû se dire « Il faut que je fasse un truc ». S'est levé, a attrapé le tabouret, m'a mise debout, m'a posé un pied dessus et s'est accroupi juste là, dans l'entrebâillement de mes jambes, avec un drôle de petit sourire. Alors comment ça va continuer, cette nuit dans un hôtel moyenne gamme à Madras, pour cause de vol interrompu à cause de la mousson? Eh bien, toujours pareil, je vous invite à découvrir la suite de cette nouvelle en vous offrant le livre « Osez 20 histoires de sexe à l'hôtel ». La nouvelle, c'est la première du recueil « Surya Namaskar » de Eugénie d'Aragon. Allez, tout dernier extrait, bah oui, je peux pas vous lire un extrait des 20 nouvelles quand même. Tout dernier extrait, et là, c'est une autrice, que ça fait longtemps que je ne l'avais pas lue, Miskat. Et alors Miskat, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle a un blog et vous pouvez la retrouver donc sur Facebook, c'est Miskat Auteur, sur Twitter, c'est Miskat Auteur aussi, c'est incroyable, et son site, son blog, pour être tenu au courant de ses dernières publications, elle poste même aussi des petits textes qu'elle écrit, qu'elle offre sur son blog, il y a des interviews, bref, c'est miss-cat, avec un K.com, miss-cat.com. Alors, sa nouvelle, toujours dans le recueil « Osez 20 histoires de sexe à l'hôtel », s'appelle « La honte ». Je n'oublierai jamais la première fois où il m'a emmenée à l'hôtel. Il me semble que c'était il y a une éternité. Pourtant, en fermant les yeux, je la ressens toujours. La honte. Il n'a rien fait pour cela, du moins au début. Je peux même dire qu'il y a mis les formes. Il avait choisi un bel endroit, une chaîne mais classe. La chambre ressemblait à une mini-suite. Je me souviens de la machine à expresso, avec des dosettes de toutes les couleurs posées sur le bar, de l'immense téléviseur que nous n'avons pas allumé, et bien sûr, le lit, immense. J'étais impressionnée, je crois. Avec le recul, je me dis que c'est idiot. J'avais baisé avec lui des dizaines de fois de toutes les manières possibles, seul, à plusieurs, avec des jouets, mais jamais dans un lieu aussi anonyme. Ce jour-là, j'avais vraiment le feu aux fesses. Je n'attendais qu'une chose, qu'il m'attrape par les hanches, trousse ma robe longue et me pilonne. J'y pensais depuis que j'avais reçu son mail. J'ai été surprise qu'il me contacte sur mon adresse professionnelle. Je crois même que j'ai rougi en lisant son nom. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Il débarquait toujours dans ma vie comme un cyclone, avec un message en guise d'alerte météo. Si j'y répondais, je savais que c'était à mes risques et périls. Même si notre relation était ancienne, j'ignorais à quoi m'attendre. Son message pouvait être une simple prise de nouvelles ou une invitation à un jeu des plus délurés. Cette fois, elle tenait en une phrase. « 2 heures à l'hôtel suffiront pour réveiller tes souvenirs. » Durant le reste de la journée, les images n'avaient cessé d'affluer dans ma tête. Rien ne les arrêtait, même au pire moment. Dans le bureau de mon patron, alors que je récupérais un parapheur, je revoyais son sexe tendu, à la fois large et long. En réunion, au lieu de prendre des notes, j'ai imaginé qu'il me prenait, les seins collés contre la table de direction. Avant de quitter le bureau, j'ai posté ma réponse qui, elle, se résumait à un mot. « Quand ?» Il n'aime pas attendre. Le lendemain, j'ai pris mon après-midi. Je me félicitais d'être toujours habillée de manière très féminine au travail. Ce jour-là, je portais une robe droite et courte, très « working girl », qui, je le savais, mettait mes courbes en valeur. Mon string et mon soutien-gorge étaient tous les deux noirs, en dentelle. Il est venu me chercher au pied de ma tour. Je babillais, heureuse de le revoir. Nous avons parlé de nos vies respectives en déjeunant. Rien de très personnel, c'était la règle entre nous. J'ai commencé à lui faire du pied au moment du café. Il se laissait faire en souriant, prenant visiblement plaisir à faire durer l'attente. J'étais de plus en plus excitée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite quand nous avons passé les portes de l'hôtel. Alors qu'il réglait la chambre, j'ai baissé les yeux en croisant ceux de la réceptionniste. Brusquement, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Pour parer à cette mauvaise impression, je me souviens avoir ouvert les hostilités dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées sur nous. Je l'ai embrassé à pleine bouche, en caressant sa queue par-dessus son jean. Je savais que mon empressement lui plaisait. J'ai cru qu'il allait bloquer la montée, mais non. En arrivant devant la porte de la chambre, j'étais incandescente. Je me collais à lui comme une chatte en chaleur. Mais j'ai dû le lâcher le temps qu'il l'ouvre, et le charme s'est rompu l'espace d'une seconde. Je l'ai suivi à l'intérieur, les nerfs à vif et la tête en vrac. Mais quand il l'a refermé, le bruit de cette porte m'a fait trembler. Il me regardait, un léger sourire aux lèvres. « Tu as froid ?»« Non, pas du tout. J'ai même très chaud. » Je le connaissais mieux que bibliquement. Pourtant, quand il m'a prise dans ses bras, mes yeux lançaient des éclairs, comme si me faire sauter dans cette chambre allait être une épreuve, un moment difficile à passer. Il a senti mon malaise et s'est montré très doux. Il n'a rien précipité. Il m'a embrassée longuement, laissant ma langue réapprivoiser la sienne. Il m'a expliqué par la suite qu'il voulait que j'aie pleinement conscience du moment. Sur le moment, justement, je n'ai pas compris. Ses caresses, bien trop douces pour être honnête, ont d'abord évité toutes mes zones sensibles. Il ignorait mes seins, mes fesses, pour se concentrer sur mes bras, mon ventre, ma nuque. Au point que j'ai finalement pris sa main pour la plaquer entre mes cuisses, par-dessus ma robe. Je ne savais plus si je voulais en finir au plus vite ou si j'avais seulement envie qu'il me touche mieux que ça. Il a pétri ma chatte à travers le tissu quelques secondes avant de revenir sur mes épaules pour faire glisser la fermeture éclair de ma robe. Puis, me prenant par la main, il m'a amenée au centre de la pièce, juste devant le lit. « Jolie lingerie ?»« Merci. Tu as envie que je te l'enlève ?» J'ai hoché la tête, incapable de formuler ma réponse à haute voix. Il m'a semblé que toutes les fois où il m'avait baisé et fait crier de plaisir se bousculaient sous mon crâne. Je ne pensais plus qu'à sa queue, dont la bosse déformait son pantalon. Mais il a continué à mener la danse. Alors que je mouillais ma culotte, il s'est mis à tourner autour de moi. Il a pris mes seins dans ses paumes, puis en a fait durcir la pointe jusqu'à m'arracher un gémissement plaintif. « Oh pardon, je t'ai fait mal ?»« Non, tu sais bien que non. J'en aurais tapé du pied tellement j'étais frustrée. »« Alors ?»« Quoi ?» me demanda-t-il en m'embrassant dans le cou. « J'ai envie. » Il a lâché mes seins pour glisser un doigt sur mes fesses sous l'élastique de ma culotte. « De quoi ?» Il avait les doigts sur mon clitoris, clapotant dans ma mouille lorsqu'il a exigé que je lui réponde. Le plaisir montait en moi tandis que je lui inondais la main. Il n'avait donc pas oublié à quel point mon bouton était sensible. « De me faire mettre !» La phrase est sortie dans un râle. À ce moment-là, j'aurais pu me faire prendre par une équipe de foot s'il me l'avait demandé. Il a fait sauter la tache de mon soutien-gorge, m'a retiré ma culotte, puis il m'a ordonné de me mettre à quatre pattes sur le lit. J'ai adoré lui obéir. Je me suis cambrée au maximum. Il m'a baisée, enfin, longuement. Il a toujours su y faire. Il est entré en moi, s'est enfoncé d'une seule poussée avant de se faire aller et venir de plus en plus vite. Je mouillais comme une folle. J'ai joui plusieurs fois. C'était tellement bon. J'ai joui bien avant lui, mais là encore, il a pris son temps. Il a déchargé sur mes reins avant de m'envoyer prendre une douche. J'étais merveilleusement bien. Quand je suis revenue m'allonger à ses côtés, il a voulu savoir comment je me sentais. Rassasié. Ça l'a fait rire. Il jouait avec mes seins et mon sexe encore en feu quand il m'a demandé. On pourra recommencer alors ? Quand tu veux. Compte sur moi. Il m'a baisé plusieurs fois dans cet hôtel, toujours entre midi et deux. J'ai rapidement oublié mon malaise initial en passant dans le hall, et j'y ai même pris mes habitudes. Nous avions nos rituels. Chaque fois que je refermais la porte, il me demandait de me mettre en sous-vêtements. Il m'avait offert de la lingerie que je devais porter pour lui plaire. Beaucoup de dentelles, du rouge, du noir. Je les ai d'abord trouvées plutôt vulgaires, mais j'aimais tellement qu'ils me disent que mes nouveaux dessous me rendaient belle, sexy, désirable. Je dois reconnaître que j'adorais le contraste, femme d'affaires en tailleur strict et string fendu redresse sein qu'il m'imposait. Marcher devant lui en talons hauts me permettait d'entrer totalement dans mon rôle de salope. Ensuite, je devais défaire sa ceinture, ouvrir son pantalon, pointe de sein en première ligne, bouche entrouverte. Selon ses envies, soit il me baisait tout de suite, soit je le prenais en bouche. Au fil de nos rendez-vous, j'étais de moins en moins gênée en passant devant la réceptionniste. Alors que, sans le savoir, je sortais pour la dernière fois de l'établissement, j'ai même papoté avec elle quelques minutes. Voyant que je ne le suivais pas, il m'a prise par le bras pour m'entraîner dehors. Il semblait contrarié, mais n'a pas voulu me dire pourquoi. La fois suivante, il m'a donné rendez-vous ailleurs. J'ai eu un mouvement de recul en arrivant devant l'hôtel. Alors pourquoi a-t-il eu un mouvement de recul en arrivant devant ce nouvel hôtel? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Jusqu'où est-ce que son amant va l'emmener en fait? Je vous assure qu'il va l'emmener dans des endroits où elle ne pensait pas aller. Eh bien tout ça vous le saurez en lisant la suite de cette nouvelle qui s'appelle « La honte » de Miss Cat, et c'est une des 20 nouvelles du recueil « Oser 20 histoires de sexe à l'hôtel » paru évidemment aux éditions La Musardine. Alors, comme je vous le disais avant l'extrait, Miss Cat, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Miss Cat Auteur, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et elle a également son propre site, miss-cat.com. Et bien voilà, cette lecture érotique arrive à son terme. Et oui, c'est la fin. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Pour vous offrir ce livre, Oser 20 histoires de sexe à l'hôtel, eh bien, rendez-vous dans votre librairie. Oui, oui, oui, il y a un rayon littérature érotique en librairie. Bon, il est tout petit rikiki, donc si jamais ce bouquin-là n'y est pas, eh bien, vous pouvez aussi aller directement sur le site de La Musardine, lamusardine.com. De toute manière, je vous mets tout les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Alors ça, c'est sur mon site charlie-liveshow.com. Eh bien, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette lecture. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.